Audiomatique. We'll be right back. L'entrée en matière de cette transmission 2.0.0 d'audiomatique consistait en la pièce Air Methods du duo anglais Magnétophone, tirée de leur premier album I Guess Sometimes I Need to Be Reminded of How Much You Love Me, paru en 2000. Pour les électronistes, la transmission 2.0.0 n'a rien de différent dans sa nature par rapport aux 199 transmissions précédentes, si ce n'est que nous vous offrons des pièces qui ne furent jusqu'ici pas encore présentées à Audiomatic. Pour le reste, Audiomatic reste pourquoi les électronistes l'ont créé, c'est-à-dire une célébration de la musique électronique et de ses artisans. No one else

Thank you. à Audiomatic, nous venons d'entendre une version longue de la pièce Snake Hips de la formation The Future Sound of London, version qui se retrouve sur le mini-album intitulé Far Out Son of Lung and the Ramblings of a Madman. Ce mini-album nous présente en condensé le côté plus électro-jazz-funk de Future Sound of London à travers quatre pièces apparaissant sur l'album ISDN. Avant cela, c'était la formation américaine de Grassy Knoll et la pièce de Common Good tirée de leur deuxième album Positive, sorti en 1996. Et en tout début de séquence, nous entendions la formation Cigarettes After Sex et la pièce Opera House, pièce qu'on retrouve sur leur unique album homonyme paru en 2017. Le groupe belge This Morn Omina assure maintenant la continuité musicale à Audiomatic. Nous avions droit au groupe belge This Morn Omina avec leur composition The Burning Hand tirée de l'album Seven Years of Famine lancé en 2002. À Audiomatique, une courte séquence de deux pièces s'amorce maintenant sur la musique du projet Campos. We'll be right back. venons d'entendre Aphex Twin avec sa pièce Finger Bib tirée de l'album Richard D. James paru en 1996. Et avant Aphex Twin, c'était le projet Campos avec Slaver's Song, une composition qui se trouve sur son unique album intitulé Miracles and Criminals. Nous atteindrons la finalité de cette transmission 200 d'Audiomatique en écoutant un extrait de l'album Black City de l'artiste américain Matthew Dear, soit la chanson More Surgery. La fin de la transmission 200 n'est que le point de départ de la transmission 201. Celle-ci sera diffusée, comme d'habitude, en direct les mercredis, donc mercredi prochain dès 17h, sur les ondes de CFOU 89,1 FM. N'ayez toutefois crainte si ce moment ne vous convient pas, puisque chaque transmission d'Audiomatique est rigoureusement archivée dans les univers numériques et accessible en tout temps et en tout lieu, sauf en Chine, par le biais de notre profil facebook.com/audiomatique CFOU Audiomatique AUDIOMATIQUE CFOU ainsi que sur mixcloud.com/audiomatique. Vous pouvez également nous écrire si jamais vous aviez des demandes spéciales, des commentaires, des questions ou toute autre confidence à l'adresse électronique audiomatique CFOU@gmail.com. Alors, tel qu'annoncé, voici Matthew Dear avec la pièce More Surgery. C'était Audiomatique avec les électronistes.